tu m'aimes en filou, mais je sais le voir. Tu m'aimes si bien que j'aimerais y croire. Derrière les barrières, on se cache, nous heureux. Mais moi je suis musicien, je voudrais vivre dans un mieux. On a tout essayé, mais les gens veulent pas nous comprendre. Dans nos mains fleuries, il y a nos nerfs qui tremblent. On a tout essayé, mais les gens veulent pas nous comprendre. Dans nos mains fleuries, il y a nos nerfs. Dans nos têtes secrètes, on se cache pour s'enfuir. Même les personnes qui s'aiment ne veulent plus guérir. Dans nos jardins secrets, on se cache pour mentir. Se mentir en oubliant certains qui ne veulent que s'enrichir. Mais les gens ne veulent pas nous comprendre. Dans nos mains fleuries, il y a nos nerfs qui tremblent. Tu m'aimes en filou, mais je sais le voir. Tu m'aimes si bien que j'aimerais y croire. Derrière les barrières, on se cache, nous heureux. Mais moi je suis musicien, je voudrais vivre dans un mieux. On a tout essayé, mais les gens ne veulent pas nous comprendre. Dans nos mains fleuries, il y a nos nerfs qui tremblent. On a tout essayé, mais les gens ne veulent pas nous comprendre. Dans nos mains fleuries, il y a nos nerfs qui tremblent. Un, deux. C'est l'histoire d'un de mes potes. Je suis désolé pour toi, mon pote. T'inquiète pas, t'en auras d'autres. La vie ne tient qu'un fil. Tire dessus, tu auras le pompon. Tous les deux, côte à côte, dans l'écriture de poésie, un peu triste parfois, je te l'accorde. Mais l'amour demeure un bon cri. Un bon cri.